La salle des profs perdus de Victoria Cario. Cinquième épisode. Annie, ça va? Oh, tu rêves? Annie. Quoi? Ben, c'est l'heure, on y va. Où? Ben, tu sais bien, quoi, ta fête de départ du lycée. Ah, ça. Oui, allez, on y va. Non. Non, quoi? Non, je veux pas y aller. Annie! C'est pas vrai. Je veux pas y aller. Et je fais ce que je veux. C'est ma fête, pas la tienne. J'ai le droit de pas y aller. Mais Annie, c'est absurde. Tout est prêt. Tu sais qu'ils ont commandé des gâteaux et des petits fours et un cadeau. Tu peux pas leur faire ça. Je peux pas leur faire ça? Mais je leur fais rien du tout, je disparais. Pfft, à partir d'aujourd'hui, j'existe plus. Alors, maintenant que je suis un fantôme, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Puis, je suis sûre que les petits fours moisis et le cadeau pourri... Oh, Annie, ne fais pas l'enfant. Je vais me retrouver avec une box. Une box bien-être, tiens. Ou une box dégustation de vin sur les bras, à faire semblant de sourire comme une idiote, là. Les box, non mais c'est des trucs qu'on offre à des gens dont on se fout, c'est des cadeaux qui puent le cercueil. Moi j'avais bien aimé ma box au chocolat. Bah c'est sûr, toi t'aimais pas ton boulot, alors tu t'en fichais qu'on s'en fiche de toi. Ah non, ça c'est pas vrai. Si, les dernières années t'en pouvais plus de tes collègues. Les petits nouveaux aux dents longues, les vieux qui radotaient. Alors forcément t'étais ravie de partir avec ta box. Mais moi je l'aime mon travail, je l'aimais, il va me manquer. Annie. Hein? J'ai l'impression qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte le monde. Je crois que si j'ai tellement aimé mon métier, c'est parce qu'il est dans la vie. En plein dans la vie. La plupart des gens restent entre eux. Les bouchers, entre eux. Les publicitaires, entre eux. Mais nous, les profs, grâce aux élèves, on côtoie des gens de tous les milieux. Mais le guichet de la RATP aussi? Mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a accès à la part la plus intime des gens. Qu'est-ce qui compte plus pour les gens que leurs enfants? Les enfants, nos jeunes, ils disent tout de nous. Et maintenant, je serai coupée du centre névralgique de la vie. Il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de parents, plus de collègues. Mais que des vieux. Des vieux, des vieux, des vieux. Non, mais je te remercie. Cette nouvelle vie qui s'annonce, Claude, j'en veux pas. Elle ne me plaît pas. Ça y est, j'ai compris ton problème. Quoi? Mais oui, c'est comme d'habitude. Exactement comme d'habitude. La nouveauté. Tu as peur de la nouveauté? Mais non. Mais si, c'est toujours comme ça. À chaque fois que quelque chose de nouveau se présente dans ta vie, tu as peur. Tu angoisses, tu rejettes. Et puis tu finis par t'y habituer, et apprécier même. Mais pas du tout, mais tu dis n'importe quoi. Les vacances en Croatie l'été dernier. Au début, tu voulais pas y aller. Tu rechignais, tu grommelais que ce serait nul, moins bien que ta chère et bien connue Crète. Eh bien, une fois là-bas, t'as adoré. Mais qu'est-ce que tu... Le déménagement dans le 19e, pareil. La nouvelle voiture, pareil. Ta nouvelle coiffure, mes nouvelles lunettes, pareil encore. C'est pas vrai, j'ai pas peur du changement. Tu peux te mentir. Et mentir à tes collègues, mais pas à moi. Parce que j'étais là, moi. La veille de ton premier jour dans ce boulot que tu es si triste de quitter. Claude, est-ce que juridiquement ça poserait problème que j'y aille pas demain? Comment ça? Oui, est-ce que l'éducation nationale est en mesure de me faire un procès si j'y vais pas demain? Si j'annule mon poste de prof, ils peuvent faire quelque chose contre moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu annulerais? J'ai bien réfléchi. En fait, c'est pas pour moi. Je le sens pas. Annie, tu veux faire ce métier depuis que tu as l'âge d'avoir envie de faire un métier. Eh bien, je me suis trompée. Je veux pas. Je veux pas être devant des gens. Des jeunes en plus. Leur parler, leur expliquer tout le temps sans arrêt. Mais j'y arriverai pas. Annie, tu paniques. Non, Je pense que le mieux, c'est de préparer une lettre de démission. Dès demain, je m'inscrirai à une formation de dactylo. Voilà, voilà, comme ça, je serai dans un bureau, bien protégé, sans avoir à parler à personne. Sauf à ton patron, en tête à tête. Avec un patron qui te donnera des ordres, toi qui adores l'autorité. Mais je préfère encore ça qu'une classe entière. Trente pères dieux, là, qui te regardent, qui attendent la péquée du savoir, et devant qui je serai toute seule. Je serai rouge, comme à chaque fois que j'ai peur. Puis ils se moqueront de moi, ils reconnaîtront l'imposteur en moi. Non, ce sera horrible. Et si ça se trouve, je mourrai devant eux. De peur, de honte. Non, mais ce sera horrible. Je hais l'école, je hais les élèves, je hais les profs. Alors, tu t'en souviens de ta mort supposée du premier jour? Oui, c'est vrai que j'étais morte, de peur. Oui. C'est-à-dire qu'on meurt toujours un peu à chaque grande étape, non? Alors, Madame Ménien, votre dernier jour est arrivé. Êtes-vous prête? Je crois que oui. Un peu grâce à toi. Un peu. Ingrate. N'empêche que quand tu seras fantôme, tu pourras continuer à rôder dans les classes, à rôder dans la salle des profs même, hein, si ça t'amuse. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Rôder en salle des profs. Ou en Crète, ou en Croatie. C'est ça l'avantage quand on devient fantôme. La salle des profs perdus de Victoria Cario. Avec Sabine Autepin, Yves Pignot, Sophie Miran, Sylvia Conti. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort et Jean du Cimetière. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Cédric Ossier.